بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب قواعد المثنى في أسماء الله في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وصلنا إلى قوله أو توقفنا عند قوله ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب أو التعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد ثم قال راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده قال وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى قال في الشرح وتوقفنا عند قوله فهذا التعصب فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل وهو أقرب إلى الاستقامة من الأول لأن الجاهل إذا كان مريدا للحق إذا علم استقام لكن المتعصب هو المشكل ولذلك ما توقفنا عند هذا القول ولذلك تجد بعض أهل الكلام الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليا وإما رجوعا جزئيا قال Donc on va reprendre, Inch'Allah, avant de reprendre la suite dans le texte du commentaire, on va reprendre où on s'était arrêté dans la dernière assise, en appelant Allah qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes. Donc on continue sur la lecture de l'explication du livre qui se nomme Al-Qawa'id Al-Muthla, les règles exemplaires concernant les attributs divins et les noms sublimes, les noms de perfection. Et donc, dans ce livre, l'auteur, qui est l'auteur de l'écrit, et aussi on s'appuie sur un commentaire de cette œuvre, qui est de l'auteur même de l'œuvre, Ala wa huwa Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, parmi les grands et illustres savants contemporains. Donc, al-qawa'id, ce sont des règles, comme on a présenté cela dans les dernières assises, des règles concernant les attributs divins et les noms sublime de notre créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur a mentionné des règles, à savoir, à comprendre. Et ça c'est un épître, c'est une œuvre, c'est un livre qui est très important pour le croyant. Pourquoi ? Parce que comme on a relaté cela dans les assises précédentes, Allah azza wa jal nous a créé pour son adoration, et on a longuement parlé du domaine de l'adoration, et du domaine de la seigneurie. Et on avait appris dans les assises précédentes, que la croyance, elle, iman ou billah, nécessite, implique quatre choses. La croyance en son existence, en l'existence d'Allah, la croyance en sa seigneurie, la croyance en la divinité, et la croyance au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Al-iman ou billah, yastalzim al-iman, wa yatadamman al-iman, ça induit, implique la foi bil-wujud, en l'existence d'Allah, bi wujudillahi azza wa jal, wa bi rububiyati, wa bi uluhiyatihi, wa asma'i wa sifati, comme on l'a dit dans les assises précédentes. Et donc, celui qui veut adorer Allah azza wa jal comme il se doit de connaître son créateur. Et pour connaître son créateur, il doit impérativement apprendre les noms divins, les noms de son créateur, pour connaître son créateur. Pour cela, Allah azza wa jal nous informe à son sujet. Sauf que dans les premiers siècles, comme relatent et nous enseignent les savants, dès les premiers siècles, après les 3 premiers siècles de l'islam, ont émergé certaines doctrines qui n'ont pas compris les noms sublimes d'Allah Azzawajal et les attributs de perfection comme cela était enseigné dans la première génération. Pourquoi? Parce que les gens de la Sunna ont appris ce sujet et enseigné ce sujet de génération en génération, cela a été transmis. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, la bonne croyance en ce qui concerne les noms divins et les attributs d'Allah Azzawajal, cela a été enseigné de génération et transmis de génération en génération. Lorsque certaines doctrines ou certains personnages dans le temps ont traité le sujet des noms divins et des attributs d'Allah Azzawajal, sans revenir aux enseignements des premiers, alors de là émergea des doctrines, des tendances innovatrices, qui ont traité du domaine, du sujet, qui ont parlé sur Allah Azzawajal sans connaissance. Et donc on s'est arrêté lorsque Cheikh Ibn Al-Taymin, l'auteur, il dit, et donc du fait que lorsque beaucoup de gens ont traité du domaine, ont parlé sur le domaine, parfois en disant la vérité et parfois en disant le faux. Regardez, il dit wa min ajli kalam an-nas fihi bil haqq taratan wa bil batil an-nash'i 'an al-jahl wa at-ta'assub. Il dit, et certains donc, lorsqu'ils ont traité le sujet du domaine des noms et des attributs, certains ont dit la vérité et d'autres ont professé le faux. De cela, l'auteur a vu l'obligation et la pertinence d'écrire des règles concernant les noms et les attributs, pour que le croyant puisse comprendre, connaître les noms d'Allah Azzawajal et comprendre les attributs d'Allah et les affirmer comme il se doit. Comme il se doit. Comme cela a toujours été transmis depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, ceux qui ont parlé faussement dans le sujet, il cite deux causes, deux facteurs. Soit cela par ignorance, lorsqu'ils ont parlé du domaine des noms et des attributs, ils ont parlé avec ignorance, soit par ta'assoub. Ou soit la deuxième cause, il a cité at-ta'assoub, ce que nous on a traduit de manière relative, le fanatisme. Le fanatisme. Et donc, lorsque les gens étaient ignorants et ont traité, ont parlé du sujet des noms et des attributs, les gens se sont trompés sur le sujet. Ou bien c'était dû au ta'assoub, au fanatisme. Et donc, dans la dernière assise, on a fini notre assise sur ce sujet-là et sur ce propos-là, lorsque l'auteur dit, tantôt des gens parlaient sur le sujet en disant la vérité, et tantôt des gens parlaient sur le sujet en professant le faux. Et donc l'auteur ensuite, il dit, et donc j'ai aimé écrire ce qui m'est aisé comme règle sur le sujet. Et donc dans le commentaire, il dit, قال وأما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق وأما من قال فيه بالباطل فمنشأ قوله واحد من أمرين. Et regardez dans l'explication, le cheikh dit, il y en a qui ont parlé sur le sujet concernant les noms et les attributs et ont professé la vérité. Ils ont voulu la vérité, ils ont recherché la vérité et ils ont professé la vérité sur le sujet. Mais écoutez bien. Il dit وأما من قال فيه بالباطل, tandis que d'autres, eux, ont parlé sur le sujet, mais en professant le faux. La cause de cela, il dit, c'est l'un des deux facteurs. C'est l'un des deux facteurs. Qala, man shaw qawlihi wahidun min amrayn, imma al-jahlu wa imma al-ta'assub. Soit l'ignorance, soit le fanatisme. L'un des deux. Sawa'un kana al-ta'assub lil-nafs ou lil-imam. Ou les cheikhs, ou ma ashbaha dhalik. Il dit que ce soit un fanatisme lié à un imam, lorsque une personne se fait fanatique d'un imam, ou d'un cheikh, ou d'une école de pensée, ou bien de soi-même, de sa propre pensée, alors Ça, c'était l'un des grands facteurs que beaucoup, ensuite, lorsqu'ils ont traité et parlé du sujet de l'asma et sifat, ont professé le faux. Ensuite, il donna, illustra cela avec un verset, le verset 22 de la sourate Az-Zukhruf. قال فهذا التعصب فإذا كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب. Il dit pourquoi il parle de ta'assoub, ce que nous on traduit par fanatisme. Parce qu'il dit certains en réalité connaissent la vérité. Mais pour cause de fanatique, ils s'entêtent à professer le faux. Ils s'entêtent à professer le faux. وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمْ الْحَقِّ Tandis que s'il ne connaît pas la vérité et il professe le faux, ça c'est dû à quoi? Il dit c'est dû à l'ignorance. C'est dû à l'ignorance. Sauf que ce point-là, l'ignorance est moins grave que le premier cas, lorsque c'est lié au tarassoub. Pourquoi? Parce que l'ignorant, ensuite, lorsqu'on lui enseigne, alors il peut revenir vers la vérité. Mais il dit la problématique. Et le souci, c'est lorsque la personne fait preuve de ta'assoub, de fanatisme. Ça, il dit, « هذا هو المشكل. » Le مشكل, c'est ta'assoub. C'est lorsque la personne, lui, va s'entêter. Pour cause que lui, il se fait fanatique d'un imam, ou d'une pensée, ou d'une école, ou de sa propre pensée, de sa pensée personnelle. Et alors, il va s'entêter sur le faux. Et beaucoup de gens, et on avait conclu notre assise hier avec cela, beaucoup de gens s'entêtent sur le faux, alors qu'ils savent au fond d'eux, que la vérité est autre. Que la vérité est autre. Et donc, c'est pour cela, ça peut être lié, lorsqu'une personne se fait fanatique, ça peut être lié au fanatisme de sa propre pensée, comme on l'a dit précédemment, au fanatisme d'un groupe, d'un imam, d'une école, d'un shir ou autre. Et ça, c'est un rappel pour nous. C'est un rappel très important de ne pas faire preuve de fanatisme et de التعصب لا يتعصب المسلم والمسلمة لا تتعصب لأحد كائنا من كان. Il ne faut pas faire preuve de fanatisme. Aujourd'hui, on voit même des gens, hier on s'est arrêté aussi, on avait fait allusion à cela, des gens, des jeunes, se disant de la sunna qui font preuve de fanatisme. Et c'est ça qui a causé beaucoup de mal au sein de la communauté. En pensant que ça, c'est les enseignements des ulama. Alors que les ulama, en aucun cas, ils enseignent la division en sein des gens et des talabat al-ilm. Vous voyez des contrées aujourd'hui, des écoles, des contrées, des pays, où des gens de la sunna se divisent. Pour des questions, il n'y a pas lieu de se diviser. Se divisent pour leurs enseignants, pour leurs shir, pour leurs imams. Dans certaines contrées, certains frères ont mis en garde par exemple sur des imams qui enseignent le Coran à des enfants dans certains pays, dans des villages lointains. Pourquoi? Parce que l'imam qui enseigne le Coran aux enfants n'est pas d'accord avec leur shir, ou n'a pas pris position avec leur shir. Si ça, ce n'est pas du ta'assoub, et si vous ne prenez pas position avec eux, alors ils mettent en garde contre tous ceux qui ne prennent pas position avec eux, qui n'adoptent pas la position de leur shir, ou de leur imam, ou de leur enseignant. هذا من التعصب. Ça fait partie du fanatisme. Et donc aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont divisés, qui se côtoient plus, alors qu'ils ont la même croyance, alors qu'ils croient en la même chose, alors qu'ils croient en la seigneurie d'Allah, en l'existence d'Allah, en la divinité, qu'ils croient au nom et aux attributs. Ils étudient et ils lisent et ils apprennent les mêmes livres que vous. Et ils écoutent les mêmes savants. Et ils ont hérité ces enseignements de génération en génération. Leurs références sont les mêmes savants. Mais ils se divisent pour des questions où il n'y a pas lieu de se diviser. Et donc je voulais faire juste un petit rappel sur cela. Personne n'est à l'abri du ta'assoub, du fanatisme. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui se divisent pour cause de ta'assoub. Et donc le shir, il dit, ce ta'assoub-là, Ça a coûté à beaucoup dans les générations précédentes et les siècles précédents. Lorsqu'ils ont parlé des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont été eux-mêmes égarés, ont été cause d'égarement pour les autres. Et ont dévié dans le sujet. Et si on dévie dans la bonne compréhension des noms? Les noms, c'est quelque chose de très important. Ce sont les noms du Créateur, les noms d'Allah Azzawajal. Allah nous informe à son sujet. Et Allah Azzawajal, en nous informant à son sujet, il s'est nommé. Il s'est attribué des noms. Et de chaque nom découle un attribut de perfection. C'est ça qu'on va apprendre. Plus on apprend les noms d'Allah Azzawajal, plus on va connaître notre Créateur, celui à qui on voue adoration. Qala. Et donc là, on reprend où on s'est arrêté. Ensuite, l'auteur va dire une très belle parole. Il dit par contre, celui qui cherche la vérité, celui qui cherche la vérité, Allah Azza wa Jal, il est sincère dans cette quête et recherche de vérité, et dit Allah Azza wa Jal va le guider vers cette vérité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, dans les siècles précédents, il y avait des savants qui ont adopté ce qu'on appelle les théologies spéculatives. Kanu min ahli al-kalam. Wa ahli al-kalam, la théologie spéculative, la dialectique, beaucoup de traducteurs traduisent de la sorte, ilm al-kalam, la dialectique, la théologie dialectique ou la spéculative, ce sont des savants, lorsqu'ils ont parlé dans le domaine des noms et des attributs, ils ont spéculé concernant les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Qala shir. Et dit certains d'entre eux plus tard, recherchaient la vérité, Allah les a guidés vers cette vérité, ils sont revenus sur cette spéculation concernant les noms et les attributs. Qala. Donc je vais faire une introduction pour que vous puissiez comprendre ce passage sur lequel on s'est arrêté. Walidalika tajid ba'd ahli al-kalami الذين خالفوا الحق في أسماء الله وصفاته تجد بعضهم لما كان مريدا الحق أداه الله إليه ورجع. Et dit, de ce fait, tu peux voir, lorsque tu lis et lorsque tu observes dans l'histoire, tu peux voir que certains qui adhéraient à la théologie spéculative, ce qu'on appelle ilm al-kalam, qui adhéraient à cela, et qui à un certain moment contredisait la vérité concernant les noms et les attributs, Tajid Bardahum, tu trouveras certains d'entre eux qui sont revenus vers la vérité lorsque le Créateur les a guidés vers cette vérité. Qala wa raja'a imma rujuan kulliyan, soit d'un retour complet, ils sont complètement revenus, ou bien rujuan juz'iyan, ou bien en partie. Il dit, ou bien en partie. Qala, fal Ghazali, mathalan, raja'a anil falsafa, raja'a anil falsafati, ba'd an kana muttasifan biha, wa qailan biha, wa kataba kitaban, sammahu tahafut al-falasifa, sammahu tahafut al-falasifa, wa bayyana butlan ma dhahabu ilay, wa abu al-hasan al-ash'ari, رحمه الله تعالى كان معتزليا على مذهب المعتزلة فهداه الله ثم رجع للحق وبين بطلان مذهب المعتزلة وما كان ناشئا عن جهل فإن دواءه سهل لكن المشكل ما نشأ عن التعصب فإن هذا هو الذي يكون دواءه عسيرا ولكن إذا أراد الله هدايته هداه الله سبحانه وتعالى. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, beaucoup de gens, comme on a dit dans le passé, dans les siècles précédents, qui, à un certain moment de leur vie, ont professé le faux, du fait qu'ils ont adhéré à l'école de la théologie dialectique. Et à un certain moment, ils recherchaient la vérité, certains d'entre eux, Allah Azza wa Jalla les a guidés vers la vérité. Certains, par exemple, adhéraient à ce qu'on appelle al-falasafa. Wa kanu min al-falasifa. Ils faisaient partie des philosophes. Et donc, lorsqu'ils abordaient la question des noms et des attributs, alors ils revenaient à leur philosophie pour aborder le domaine des noms et des attributs. Et certains sont revenus de cela. Et d'un titre d'exemple. Il dit Al-Ghazali, mathalan. Il dit Al-Ghazali, mathalan, qui est connu Abu Hamid, c'est un ancien savant dans les premiers siècles. Abu Hamid Al-Ghazali était connu pour sa philosophie. Et donc, dans ses livres, on retrouvait la philosophie. Et lui, il adoptait cette philosophie lorsqu'il abordait certains sujets. Al-Ghazali, كما هو معروف هو محمد ابن محمد ابن احمد ابو حامد الطوسي الغزالي الغزالي et lui c'est un homme qui a vécu qui est né en 450 de l'Hégire. Donc il est né au mi-5e siècle de l'Hégire, à la moitié du 5e siècle de l'Hégire, et il décédera en 505 de l'Hégire, c'est-à-dire au début 6e siècle في بداية القرن السادس الهجري de l'Égypte. Et son nom c'était Mohammed ibn Mohammed ibn Ahmed Abu Hamid al-Tusi al-Ghazali. Et donc, lui, par exemple, comme il est dit, et c'est connu dans ses écrits et dans ses œuvres, qu'il était philosophe. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit ورجع عن الفلسفة بعد أن كان متصفا بها قائلا بها وكتب كتابا سماه تهافت الفلاسفة وبين بطلان ما ذهب إليه. Beaucoup de savants disent que à la fin il a remis en cause cette philosophie. Vers la fin de sa vie, il a remis en cause cette philosophie et il dit dans l'un de ses écrits تهافت الفلاسفة. Il a un livre qui s'appelle تهافت الفلاسفة, où justement il remet en cause cette philosophie. Et vous pouvez retrouver dans l'explication de Cheikh Abdelmanseh Al-Abbad, dans son explication de Muqaddima d'Ibn Abi Zayd, au début, Cheikh Abdelmanseh, dans son commentaire, il fait allusion à certains savants des premiers siècles qui ont adopté Ilm al-Kalam, ensuite, plus tard, sont revenus sur cela et ont remis en cause al-falasafa, l'ilm al-kalam, et cette philosophie-là. Et c'est pour cela que l'imam al-Ghazali, qui se nommait Abu Hamid, a d'autres écrits à l'époque, lorsqu'il les a écrits dans le siècle où il a vécu, il a d'autres écrits qui, à l'époque, les savants n'ont pas apprécié ses écrits. Il a des livres célèbres dont les savants à l'époque n'ont pas apprécié ses écrits et mettaient en garde contre ses écrits du fait que dans ses écrits il y avait al-falsafa ou ilm al-kalam, et de ce fait les savants n'ont pas apprécié ses écrits. Ensuite il nomme Abu al-Hassan al-Ash'ari qui est célèbre, kana mu'tazilit, c'était un Mu'tazilite au départ, comme il est dit. Ensuite, Cheikh il dit, فهداه الله ثم رجع إلى الحق. Allah l'a guidé, il est revenu vers la vérité. Wa Abu al-Hassan al-Ash'ari kana imam al-mutakallimin wa ismuhu Abu al-Hassan Ali ibn Ismail wa qila fi tarjamati anna nasabahu yantahi ila Abi Musa al-Ash'ari رضي الله تعالى عنه وولد في سنة 60 و200 وكان عجبا في الذكاء وقوة الفهم وبرع في معرفة الاعتزال وتبرأ منه وصعد على المنبر وأعلن توبته ثم أخذ يرد على المعتزلة قال الإمام الذهبي رأيت لأبي الحسن أربعة توالف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف وقال فيها تمر كما جاءت ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا أتأول. هذا كلام الإمام أبو الحسن أو أبي الحسن الأشعري الذي نقله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est un homme qui est né en 260 de l'Hégire. Et donc, au départ, il adhérait à la doctrine, il était mu'tazilite. Dans la question des noms et des attributs, et d'autres questions, kana mu'taziliyan. Ensuite, plus tard, taraja'a. Et un jour, il est monté sur al-minbar, et il s'est repenti, et est revenu sur cela, sur al-minbar, et professait ensuite la croyance des gens de la croyance des gens de la sunna. Et l'imam al-Bayhaqi rapporte une très belle parole de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Qala ra'aytu lil-Ash'ari kalimatan a'jabatni wa hiya thabita rawaha al-Bayhaqi. Rawaha al-Bayhaqi. Samiatu Abu Hazim. C'est un homme qui s'appelait Abu Hazim. Il va rapporter une parole que rapporte Al-Bayhaqi d'après Al-Hassan, Abu Hassan Al-Ash'ari. Cet homme-là qui s'appelait Abu Hazim, il dit Samiatu Zahir ibn Ahmad. Cet homme, Abu Hazim, il a entendu un autre homme qui s'appelait Zahir ibn Ahmad. Yaqul. Cet homme-là, il dit, lorsque l'imam Abul Hassan Ash'ari était au chevet de la mort, قال, يقول, لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري, lorsque le délai d'Abul Hassan Ash'ari de l'imam était venu, كان في داري ببغداد, دعاني فأتيته, فقال, أشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كل اختلاف العبارات. Alors cet homme-là, il dit, lorsque le délai de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari était venu, c'est-à-dire avant de mourir, il dit, il était dans ma maison. Il était chez moi, dans ma maison, et à l'époque c'était Bibardad, c'était à Bagdad. Il dit, un jour, alors à ce moment-là, il m'a appelé, Da'ani. Il m'a appelé, Fataytu, je suis venu à lui. Je me suis rapproché, et l'imam Abul Hassan al-Ash'ari lui a dit, sois témoin, je te prends comme témoin, que inni la ukafiru ahadan. Que certes, regardez ce qu'il dit avant de mourir, que certes, moi, je n'excommunie personne de l'islam. C'est-à-dire, il dit qu'il ne fait pas l'anathème. Il traite personne de kafir. Il dit, Ushhidu ou ashhid alayya anni la ukafir ahadan min ahli al-qibla. Des gens qui se dirigent vers la qibla. Vous allez comprendre l'importance de cette parole. Donc avant de mourir, il dit cela. Sois témoin que moi, je n'excommunie personne de la qibla. Je n'excommunie personne des gens qui s'orientent vers al-qibla. C'est-à-dire, il ne sort personne de l'islam en faisant ce qu'on appelle l'anathème. Regardez ce que dit l'imam al-Zahabi. قال l'imam al-Zahabi. بِنَحْوِ هَذَا أَدِينَ l'imam al-Zahabi قال بِنَحْوِ هَذَا أَدِينَ. Vous connaissez le grand et illustre imam al-Zahabi. L'imam al-Zahabi dit, et moi, je professe cela. Je professe cela. Regardez ce qu'il va dire. Wa kana shaykhuna ibn Taymiyyah. Donc là, on fait un saut dans le temps. Hada ilm. Regardez ce qu'il va, l'imam al-Zahabi, regardez ce témoignage. L'imam al-Zahabi, il dit, moi, ce qu'a dit Abul Hassan al-Ash'ari, que je ne scumunie personne de l'islam parmi les gens min ahli al-Qibla. L'imam al-Zahabi, il dit, moi, c'est ce que je professe. Car notre shir, shaykhuna, Ibn Taymiyyah fi awakhir ayami, à la fin de ses jours, yaqul ana la ukaffiru ahadan min al-ummah wa yaqul qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la yuhafidhu ala al-wudu illa mu'min faman lazama as-salawat bi wudu'in fa huwa muslim. Vous avez compris la parole? Elle est immense. L'imam al-Zahabi, cet illustre et grand savant, Il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quelques jours avant de mourir, il dit « Ana la ukaffiru ahadan min al-umma ». Même Cheikh Ibn Taymiyyah le dit. Avant, quelques jours avant de mourir, l'imam Dhahabi dit que Cheikh Ibn Taymiyyah a dit « Moi, je n'excommunie personne. » Quand on dit « je n'excommunie », je ne sors personne de l'islam. Je fais partie des gens, je ne sors personne de l'islam. Yaqul, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yuhafidhu ala al-wudu » Il n'y a personne qui préserve ses ablutions si ce n'est un croyant. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam « La yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min » Car le prophète a dit « Personne ne protège, ne préserve, est attentif à ses ablutions si ce n'est un croyant. » Qala. Alors ensuite le shir dit فَمَنْ لَازَمْ الصَّلَوَاتْ بِوَضُوءٍ فَهُوَ مُؤْمِنٍ. Et donc celui qui pratique la prière avec les ablutions, c'est un croyant. Et dit, moi je n'excommunie personne parmi les croyants. Ça j'ai voulu vous faire partager, j'ai voulu partager, parce que beaucoup de jeunes, à l'heure actuelle, يَتَسَهَلُونَ فِي هَذِي الْمَسَائِلِ وَحَتَّ الْكِبَرِ. Et parfois, les anciens encore pire. يُكَفِّرُونَ النَّاسِ. Et il y en a, ils te disent comme ça. Ils disent « كَفِّرْ وَلَا حَرَجْ وَسَمِعْنَا هَذَا الْقَوْلِ وَهَذَا الْقَوْلِ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ سَمِعْنَا كَذَا كَفِّرْ وَلَا حَرَجْ كَأَنَّهُ يَقُلْ حَدِّثْ وَلَا حَرَجْ. » Et ça, on l'entend de beaucoup de jeunes qui excommunient des gens « الَّذِينَ يَسْتَقْبِلُونَ قِبْلَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. » Et donc, ils excommunient les gens en les traitant de... en les excommuniant et en les sortant de l'islam, et pour eux, sahel, c'est quelque chose de simple. Et même des anciens, parfois ils disent « yukafirun al-nas ». Et regardez, l'ulama, avant de mourir, il prenait les gens à témoin qui n'excommunient personne « min ahli al-qibla ». Et ça, c'est très important. « Nuwasil al-kalam »« Qala »« Qala shaykh al-Uthaymeen »« Wa abul hasan al-ash'ari »« Rahimahullahu ta'ala »« Kana mu'taziliyan » على مذهب المعتزلة فهداه الله ثم رجع للحق وبين بطلان مذهب المعتزلة فما كان ناشيا عن جهل فإن دواءه سهل. Regardez ce que le cheikh il dit. Il dit lorsque une personne par exemple professe le faux, mais c'était dû à l'ignorance, il dit son remède est simple. Son remède est simple. لكن المشكلة ما نشا عن التعصب. Mais il dit le problème, c'est quand le faux est professé à cause de quoi? La cause c'est le ta'assoub. Là il dit ça c'est un problème. C'est pour cela que parfois, parmi nos frères, on les exhorte, on les conseille sur certains sujets, même en leur rapportant, en leur rappelant les paroles de grands savants, de grands théologiens musulmans, dont eux, pour eux, ce sont des références, mais malgré cela, ils n'écoutent pas, et ne suivent pas, et n'acceptent pas le conseil. Pourquoi? Parce que regardez, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il le dit très bien, lorsque quelque chose c'est dû à l'ignorance, dawa'uhu sahl, son remède est simple, il faut lui enseigner, et il accepte ensuite la vérité. Mais lorsque c'est ta'assoub, là il dit c'est un problème. Là il dit c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y en a au fond de eux, comme on l'avait relaté hier, ils savent la vérité. Sauf, ils sont dans un groupe. Souvent, et moi je fais ce rappel parce que ça nous touche. Ils sont dans un groupe. Et parfois, ils ne peuvent pas contredire l'avis du groupe. C'est un groupe. Et lui, il sait, il aimerait que l'avis de ses amis et de son groupe soit l'avis juste. Il aimerait. Il veut y croire. Mais au fond de lui, il sait que les savants ne professent pas ça. Mais il essaye de se convaincre. Et lorsqu'il s'assoit avec ses amis, alors, ils arrivent un peu à le convaincre, mais au fond de lui, il n'est pas convaincu. Mais il professe cela, pourquoi? Parce que c'est un groupe. Il est avec ses amis. Il ne peut pas contredire son groupe. Parce que s'il contredit sa jama'a, ensuite il se retrouvera seul. Alors ça, c'est lorsqu'on fait fanatisme sur un groupe. Ou fanatisme sur un shir. Au fanatisme sur un imam. Donc, si la personne fait du fanatisme, tu peux lui rapporter kalam, kalam Allah, kalam al-Rasul, kalam a'immatul Huda, fala yantasih. Il n'acceptera pas le conseil. Pourquoi? Li'annahu muta'assib. Li'annahu muta'assib. Et je fais beaucoup de nasiha sur ça. Pourquoi? Parce que autour de nous, il y a des problématiques où en réalité le da, c'est ta'assub. Le da, le problème, c'est ta'assub. Et comme le dit Shir, lorsque c'est du ta'assub, haza mushkil. Ça, c'est un problème. Tu lui parles, tu ne peux pas lui parler, puisque huwa muta'assib bi shaykhi. Et donc, lorsque tu lui rapportes les paroles d'autres savants, de grands savants et d'illustres savants avec les preuves, il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que lui, il est fanatique de son cheikh. Idan, ihzaru. Prenez garde du ta'assub. Qala. فما كان ناشئا عن الجهل فإن دواءه سهل لكن المشكل ما نشأ عن التعصب فإن هذا هو الذي يكون دواءه عسيرا لكن إذا أراد الله هدايته هداه الله إليه هداه الله هداه الله فقط. Par contre, si Allah veut le guider, il le guide vers la vérité. Il le guide vers la vérité. ثم قال المصنف سميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. قال يجوز في جملة القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى الضم على الحكاية وأن الجملة كلها مفعول ثاني سميته لأنها على تقدير وسميت هذا الاسم ويجوز الفتح وذلك إذا أردنا تسلط أو تسلط سميته عليها فتقول سميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى. الشيخ il dit lorsqu'on dit القواعد, donc là c'est une petite faïda dans la langue arabe, on peut dire القواعد, القواعد المثلى ou bien القواعد avec une dhamma, القواعد. Et dit si on dit القواعد alors بالضم avec une dhamma, c'est lié à la narration, al-hikaya, li al-hikaya, wa anna al-jumlata kullaha maf'ulun thani. Et toute la phrase, il dit wa anna al-jumlata, toute la phrase ensuite sera un deuxième complément, un deuxième complément. Sammaytu li annaha ala taqdir wa sammaytu hadha al-ism, hadha al-ism. Wa yajuzu al-fath. Et il dit on peut dire aussi avec al-fatha en disant qawa'ida al-qawa'id al-muthla ou bien al-qawa'id al-muthla sammaytuhu 'alayha sammaytuhu yani al-qawa'id al-muthla. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis al-qawa'ida, il y a un taqdir, un sous-entendu, quelque chose qui n'apparaît pas, mais c'est lié à sammaytuhu, je l'ai nommé, je l'ai appelé. Et donc de cela c'est muqaddar, alors tu diras al-qawa'id al-muthla في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. Et ce livre-là, Al-Qawaid al-Muthla, Al-Ajib, beaucoup de savants l'ont commenté. Beaucoup de savants l'ont commenté. Et Al-Ajib, ça fait vraiment un rappel. Vous trouvez un commentaire, comme on l'a dit précédemment, de grands et illustres savants contemporains l'ont commenté, même des contemporains même de l'auteur. Mais il y a un commentaire qui s'appelle Al-Mujalla, Bisharh Al-Qawaid al-Muthla. Ajib, c'est une sheikha. C'est une femme. Et lorsque vous lisez dans sa tarjama, fi sirat dhatiya, c'est une contemporaine, elle est vivante, toujours, c'est une qatarienne. Elle est nommée al-sheikha. Kamila. Peut-être vous avez déjà entendu. Ma'roufa hiya mashhoura. Kamila ou la Ajib. Elle a un char de al-qawa'id al-muthla. C'est une doctora. Elle a un docteur. Elle est doctorante. Ou plutôt doctorat, puisque doctorat, c'est quand on fait les études de doctorat. Elle a obtenu un doctorat. Wahiya Sheikha Alima. Et elle a des écrits, Wala Ajib. C'est un rappel. Elle a des écrits Ajib. Elle a plus de 17 mois, elle l'a fait. De 17 écrits. Mais pas des simples écrits. Wala Ajib, lorsque vous lisez les œuvres qu'elle a, elle a fait un commentaire de Al-Qawa'id Al-Muthla, un très beau commentaire qu'elle a appelé Al-Mujalla. Et elle a beaucoup accordé d'attention au livre de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Et elle dit elle-même, elle a écrit un poème, puisqu'elle écrit, elle est très très forte dans la langue arabe. Elle a écrit un poème où elle dit qu'à un moment donné, elle était attentive ou attentive aux œuvres de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, puisqu'elle a dit, elle a vu en rêve Ahmed ibn Hanbal, wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Et dedans, les ulama qu'elle a vus, ils lui ont fait montrer l'un des livres de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, ils lui ont dit, ça, c'est une lumière. Et de là, elle dit qu'elle a commencé à être attentif au livre de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Wa al-ajab al-ujab, elle a des livres, c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'elle a le charh de l'Qawaid al-Muthla, elle s'appelle Kamila al-Kawari. Mais elle a un résumé du charh al-Mumti' al-Zayd al-Mustaqna de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Vous avez vu qu'il est édité dans une édition, c'est 15 volumes. C'est 15 volumes. Elle a pris tout le livre de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, et comme c'est un long livre, et elle dit pour le Talab al-Ilm, parfois, comme c'est 15 volumes, c'est une encyclopédie, fil fiqh. C'est l'un des plus grands commentaires contemporains qui a été fait de, si ce n'est le plus grand commentaire contemporain qui a été fait de Zayd al-Mustaqna, de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Et donc elle dit, il y a beaucoup de fawaïd que le Talab al-Ilm, il ne va pas avoir accès vu qu'il y a 15 volumes, c'est long. Alors elle a réussi, on l'a ajib, elle a réussi à résumer en un volume. Fimujal le Dwahid, elle a pris les 15 volumes de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, elle les a bien étudiés et elle a résumé en un volume et elle a rassemblé les fawaïd qu'il y a et elle a rajouté l'avis du madhhab al-Hanbali al-Mu'tamad, fil madhhab. Elle a rajouté les avis du madhhab al-Hanbali dedans. C'est un travail qui est immense, hein. Mais ce n'est pas tout. Elle a un écrit dans le Nahou, parce qu'elle est spécialiste aussi fi ulum al-ala. Donc elle a des écrits dans al-Qawaid al-Fiqhiyya, elle a des écrits fi Nahou, elle a des écrits fi Gharaib al-Qur'an, dans le Tafsir, et elle a pris des poèmes de Cheikh Ibn Al-Uthaymeen de Cheikh Sa'di fi al-Qawaid al-Fiqhiyya. Elle a des poèmes fil Asma, elle a un poème dans l'Asma au Sifat. Et dans le Nahou Ajib, elle a un livre célèbre, Al-Muhit. Oh, Al-Wasit, pardon. Al-Wasit fil Nahou. Al-Wasit fil Nahou. Elle a vu que beaucoup de Tullab al-Ilm yastas'ibun al-Nahou. Que pour eux, la grammaire, c'est compliqué. Pour beaucoup de Tullab al-Ilm. Alors, elle a facilité la chose. Mais elle a pris les grands livres de Nahou. Al-Alfi ibn Malik. Qatar Nada, elle a pris tous ses grands livres avec les shourouh et elle a tout résumé en un volume. Elle a tout résumé en un volume. Elle a fait selon la tariqa à peu près le sommaire de Qatar Nada. Qatar Nada. Voilà Ajib, un livre dans le Nahou où elle a tout facilité. Et celui qui raja hadha al-kitab dans la grammaire, on l'a Ajib. Elle a tout facilité. Et elle a fait un deuxième ensuite, parce que ça c'est ilm al-nazari. Ça, c'est sur la théorie de la grammaire. Elle a fait le deuxième livre qui va avec, Al-Mujallad Al-Thani, c'est sur Al-Tatbiq. Maintenant, sur la pratique du Nahou. Sur la pratique de la grammaire. La pratique de la grammaire. Ensuite, et là, c'est Ajib. Elle a un livre. On a Ajib. À l'époque, il y a très longtemps, il y a un savant à Médine qui a fait dans la mosquée du prophète, sallam, qui a fait le commentaire de Kitab Bidayat al-Mujtahid, le célèbre livre de Ibn Rushd, Bidayat al-Mujtahid. Ce livre-là est enseigné à la Jami'a, dans Maddat al-Fiqh, dans la matière de Fiqh, c'est ce livre-là qu'ils enseignent. C'était un grand savant qui a parlé, qui a rédigé dans le Fiqh, en mentionnant les quatre écoles juridiques. Les avis de Al-Malikiyya ou Al-Shafi'iyya, très très beau livre, fait le faire. Il est enseigné à Al-Jami'a. Sauf que ces dernières années, Al-Jami'a, lorsqu'ils ont vu que pour les étudiants, c'était un peu d'étudier les quatre madhab, les avis des quatre madhab, c'était un peu complexe. Alors, ils ont changé, ils ont mis Umdat al-Fiqh. Umdat al-Fiqh, et ils ont laissé sur Al-Madhab al-Hanbali. Et ce kitab-là, Bidayat al-Mujtahid, qui est en plusieurs volumes, il y a un savant à Médine qui était un enseignant à la Jamia, à l'université, dans Maddat al-Fiqh, dans la d'un matière de jurisprudence. Il a enseigné tout bidat al-mujtahid. Il a tout enseigné. Au haram, al-madani, dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pouvez retrouver les audios dans la maktaba du haram al-madani, dans la mosquée du prophète. Les audios, il y a plus de 800 audios. Il a commenté tout bidat al-mujtahid. Imaginez-vous, plus de 800 assises. 800 assises. Et Ajib, vous retrouvez que tout ce charh-là, et le shirk qu'il a fait, il s'appelle Mohamed al-Wa'ili. Mohamed al-Wa'ili. C'est lui qui a commenté cela. Il était connu, c'était l'un des grands savants. Il est mort maintenant, rahmatullah alayh. Un savant contemporain qui est connu, qui est lui-même aujourd'hui enseignant à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Mohamed ibn Hammoud al-Wa'ili, c'était son shir. Et il dit la première fois, et c'est un savant qui est connu, fi ulum al-fiqh. Il dit la première fois que j'ai appris les règles de jurisprudence, je les ai appris auprès de ce shir. Et les cours étaient tellement pertinents et le shir avait tellement une maîtrise qui nous a fait aimer cette science. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le shir dit j'étudie toujours et ça fait quasiment 30 ans. La première fois, il dit que j'ai étudié cette méthode avec le shir, il dit ça fait à peu près 28 ans. Et jusqu'à, il m'a donné l'amour de cette science-là, jusqu'à aujourd'hui, j'étudie le Qawaid al-Fiqhiyya, il dit. Il dit un jour, son shir, quand ils ont fini l'étude de le Qawaid al-Fiqhiyya, il a dit à son shir, c'est un shir connu, qui est contemporain, vous rendez compte à cause du ta'assoub? Certains noms, on peut même plus les dire. Parce que certains vont dire, Ada, c'est pas bon. Il y en a, ils vont dire, Ada, c'est bon, mais comme nahnu na'budullah azza wa jal. Na'budullah. On adore Allah Azza wa Jal. Et à qui plaît, plaît. À qui ne plaît pas, ne plaît pas. Le shir qui dit cela, c'est shir Sulayman al-Hayli. Shir Sulayman al-Hayli, il dit que shir Mohammed al-Wa'ili, c'était son shir. Et donc lui, il dit la première fois que j'ai appris al-Qawaid al-Fiqhiyya, c'est auprès de lui. Il dit alors, un jour, après qu'ils ont fini l'étude de al-Qawaid al-Fiqhiyya, il dit, ya shir, lazim tu'allim al-tullab hada, ya shir. Il dit, Shir, il faut que tu enseignes ça au Tullab. Qawaid al-Fiqhiyya. Et Shir a dit, Allim anta. Anta allim. Darris al-Shabab wa Tullab. Et son Shir le dit, non, toi, enseigne-toi. Il a dit à son élève, enseigne-toi. Il a dit, Ya la, ya Shir. La ou darris al-Qawaid ma dum tahayyan. Il dit, non, Shir, je les enseignerai jamais tant que tu es vivant. Et le Shir ensuite, aujourd'hui, enfin ces temps-ci, enfin. Du temps de cela, il a commencé l'étude de l'Qawaid al-Fiqhiyya en mentionnant cette histoire. Al-Muhim, pour venir où? Cheikh Mohammed ibn Hammoud al-Wa'ili, c'est lui qui a commenté il y a très longtemps, dans le Haram al-Madani, Bidayat al-Mujtahid, en 800 assises. 800 assises, c'est-à-dire c'est des audios. Imaginez-vous écouter les 800 audios, subhanallah. Et vous trouvez que le Sharh, il a été retranscrit. Ils l'ont réécrit. Aujourd'hui, vous le trouvez en livre en 15 volumes. Donc ceux qui veulent un charh, un très beau commentaire de Bidayat al-Mujtahid, de Mohammed ibn Hammoud al-Wa'ili, il a été retranscrit en 15 volumes. Il y a quelqu'un qui a pris les 800 assises et qui les a écoutées, étudiées et qui les a écrites. Et qui a bien tout répertorié, qui a bien tout classifié. Vous savez, c'est qui l'a fait? C'est la Sheikha. C'est la Sheikha Kamila Al-Kawari. C'est cette Sheikha qui l'a fait. Elle a des écrits Ajib. Et vous retrouvez donc le Sharh de Bidayat al-Mujtahid. Jama'aha Sheikh. Sheikha. C'est elle qui l'a réuni. Imaginez-vous le travail qu'elle a fait avec des livres de Sheikh Ibn Al-Athaymin. Ce travail qu'elle a fait 800 assises. Qu'elle a réuni, qu'elle a tout réécrit. Elle a sorti les fawaïds, ce qu'il fallait sortir, etc. Et pourquoi ça fait le rappel? Parce qu'on se dit, si on a du temps, on peut faire des choses. Il y a des gens qui arrivent à écrire. Il y a des gens qui arrivent à apprendre. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses. Et ça nous fait le rappel. Ça nous fait le rappel que s'il y a des gens qui arrivent à faire, on peut faire nous aussi. Qala al-musannif rahimahullah. Donc il dit سمعت القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسماءه الحسنى. قال. Il dit certains posent la question. ما الفرق بين هذا الكتاب وبين كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. Certains peuvent poser la question, c'est quoi la différence? Et c'est lui-même Cheikh qui va répondre à cette question, qui pose la question. Il dit, certains posent la question, quelle est la différence entre l'Wasitiyya du Cheikh de l'Islam, cette œuvre-là, et le Qawaid al-Fiqhi, le Qawaid al-Muthla. Al-Jawab, قال أن العقيدة الواسطية يتكلم فيها الشيخ أعني ابن تيمية عن مسائل وهذا هو الأصل. وربما يشير إلى القواعد وأما هذا الكتاب فإنما يبحث في القواعد العامة بقطع النظر عن كل مسألة بعينها فبينهما فرق يشبه الفرق بينهما الفرق بين أصول الفقه والفقه لأن هذه قواعد وما ذكره الشيخ رحمه الله في الواسطية مسائل كالإيمان بالسمع والبصر والحياة والقدرة وما أشبه ذلك وعليه فلكل وجهة وجهة وينبغي الغناية بهذه القواعد لأنها مفيدة وقل أن تجدها مجموعة في كتاب ففهمها والعناية بها من الأمور المهمة ومما نوصي به Et donc il dit la différence c'est quoi? C'est que dans Al-Wasitiyya, l'auteur va citer des questions bien précises liées au dogme et à la croyance du musulman et de la musulmane. Des questions bien précises. Sauf qu'il dit, moi, la différence, mon livre, j'évoque des règles. C'est des règles que j'évoque. Il dit, comme la différence qu'il y a entre la science de la jurisprudence, al-fiqh, et la science de l'qawaid, al-fiqhiyya, les règles de jurisprudence. Il dit, donc, moi, c'est des règles que j'ai évoquées. C'est pas des masa'il, forcément. Et dans le Wasitiyya, c'est des masa'il que l'auteur, dans son œuvre, va mentionner. Lui, il dit, moi, c'est des règles. Et il dit, ces règles-là, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a vu que très peu ont écrit dans le domaine, en réalité. Très peu ont écrit dans le domaine. Donc lui, Shir, il a résumé, il a rapporté un peu, et il a rassemblé des règles concernant les noms d'Allah Azza wa Jal et les attributs. Et ses attributs. Et il dit, وَيَنْ بَغِ الْعِنَيَةُ بِهَدِ الْقَوَيْدِ Et il dit, il faut être attentif, accorder une attention particulière à ces règles qui sont très mufidas. Très importante, très pertinente. وَقَلَّ أَن تَجِدَ مَجْمُوعَةً فِي كِتَابٍ Et Cheikh, il a vu que ces règles-là, très rarement, vous allez les retrouver rassemblées dans un livre. Ces règles qu'on va prendre, puisque c'est des règles. Au moins, là, vous avez le sujet, le thème qu'on va prendre dans ce livre. Ce sont des règles. قَالَ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى كُلُّهَا حُسْنَى La première règle. Donc là, on commence. فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى في القاعدة الأولى قال أسماء الله تعالى كلها حسنى La première règle c'est que tous les noms d'Allah Azza wa Jal ils sont حسنى حسنى on a dit c'est اسم تفضيل en arabe c'est un superlatif et c'est le مؤنث c'est le féminin du superlatif الأحسن الأحسن هو المذكر والحسنى donc c'est le superlatif et ici les féminins وذكرت الأسماء الحسنى et donc les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont appelés les noms الحسنى on va rester sur le terme حسنى c'est-à-dire c'est la beauté extrême il n'y a pas plus beau plus parfait que ces noms-là dans ce sens de manière relative et الأسماء الحسنى vous retrouvez cela dans trois passages du Coran dans trois sourates vous retrouvez cela Et Cheikh, il va dire, il y a un quatrième passage dans le Coran. Un quatrième passage, mais ce n'est pas une phrase indépendante. Elle est venue, comme il va dire, fi jawab li shart. Donc la phrase, falaysat hiya jumlatan mustaqilla. Sinon, il va citer trois passages du Coran. Allah أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد الله. إذا نواصل نكمل الكلام. On termine donc avec l'explication du terme al-husna. Al-husna. Donc comme vous pouvez voir, l'auteur dit que dans trois passages du Coran, on peut voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité ses noms, décrit ses noms comme étant Husna, Al-Asma, Al-Husna. Donc l'appellation Al-Asma, Al-Husna n'est pas une hérésie, c'est pas quelque chose qui n'existe pas dans les textes, mais c'est mentionné dans le Coran. Donc, ذُكِرَتَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فِي الْقُرْآنِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ قَالَ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ. Dans la sourate Al-A'raf, Allah dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. وَفِي سُورَةِ طَاهَا قَالَ تَعَالَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وَفِي سُورَةِ الْحَشْرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. Vous avez vu dans ces trois passages, aussi bien dans la sourate Al-A'raf, dans la sourate Taha ou dans la sourate Al-Hashr, Allah dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dans le premier verset, Allah appartient à Al-Asma, Al-Husna, les noms, on va rester sur le terme en arabe, qui sont Al-Husna. Dans la sourate Taha, Allahu la ilaha illahu. Allah, nul ilah en dehors de lui. Lahu al-Asma ul-Husna. À lui appartient les noms qu'il nomme Al-Husna. Et dans la sourate Al-Hashr, Lahu al-Asma ul-Husna. À lui appartient les noms qui sont Al-Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawat. Et tout ce qu'il y a dans les cieux le glorifie. Allah nous dit dans le verset. Et il dit, on peut même trouver un quatrième passage dans le Coran, dans la sourate Al-Isra. Où Allah dit Ayyamma tad'u falahu al-asma ul-husna. Qala lakin hadhihi ja'at jawaban. Mais, il dit, elle est venue en réponse d'un short, d'un conditionnel. Donc, ce n'est pas une phrase autonome, indépendante. Ce n'est pas une phrase plutôt indépendante. Sinon, il cite trois passages dans le Coran. Al-Husna qala mu'annathu ahsan wa hiya balighatun fil husni ghayata. Ghayata. Hada al-ma'na. ثم نواصل ثم قال الحسنى وتعليل كونها حسنى قوله ولذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا قال ولا واقعا لكن كونه لا واقعا هذا أمر معروف لكن لا احتمالا يعني لا يمكن أن يحتمله اللفظ ولا تقديرا يعني لا يمكن أن يقدره الذهن فالاحتمال في دلالة اللفظ أو في دلالة اللفظ والتقدير في فهم المعنى أي أنه ليس فيها نقص لا احتمالا ولا تقديرا ولا يمكن لأي مؤمن أن يقدر في ذهني نقص صفات الله عز وجل أو نقص أسمائه. واعلم أن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال. فهذه أربعة أقسام. فالقسم الأول قال: وهي دالة على غاية الكمال تكون من أسماء الله، بمعنى أنه ليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، مثل السميع والبصير والعظيم والعليم إلى آخره، فكل هذه كمال لا نقص فيها. القسم الثاني: ما دل على كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير، وهذا لا يسمى به الله ولكن يخبر به عن، لأن باب الإخبار أوسع، مثل المتكلم والشاء يعني الذي يشاء، والمريد والصانع والفاعل وما أشبه ذلك. هذه كلمات لا يسمى الله بها لكن يخبر بها عنه إخبارا مطلقا. فنقول: إن الله متكلم وإن شاء تكلم، إن الله مريد وإن شاء، وإن الله فعال، إن الله مريد وإن الله شاء. لم تكن من الأسماء، هذه لم تكن من أسماء الله الحسنى، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، ولكن الكلام نفسه كمال، فمتعلق ذلك الكلام وموضوعه قد يكون مدحا وقد يكون ذما، ولذلك هذا ليس من الأسماء الحسنى. قال القسم الثالث، إذن أختصر الكلام في القسم الثاني والقسم الثالث: الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق، فهذا لا يطلق على الله تعالى، وإنما يذكر مقيدا مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد، فلا نقول، وسنقول هذا الكلام في حلقة قادمة. والقسم الرابع: ما دل على نقص محض، وهذا لا يسمى الله به ولا يوصف به إلى آخر الكلام. فصارت أقسام أربعة: كمال محض في ذاته وموضوعه، ثانيا كمال في ذاته لا في موضوعه بل ينقسم، ثالثا ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، رابعا ما يكون نقصا محضا فهذا لا يوصف به ولا يخبر. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, je vous ai lu en arabe les 4 points, c'était du programme d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai avancé. C'est pour ça que j'ai avancé, puisque j'avais tardé dans... Donc, c'était le programme d'aujourd'hui. Les 4 points, comme ça, dans la prochaine assise, Inch'Allah, on commencera directement par la traduction. On commencera directement par la traduction de ces 4 points. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.